Merci beaucoup. À 16h24 minutes avec Robert Frozzi, on va parler maintenant de quelque chose de tout neuf. Quoique ces souliers-là sont vieux, mais l'initiative est toute récente, Robert. Oui, un nom prédestiné pour cette initiative, Moi, mes souliers. C'est le nom de l'initiative de l'école publique Guy Drummond du quartier Outremont. C'est une école de 500 élèves qui accueille en fait des enfants aussi qui viennent des quatre coins du monde. Et c'est un peu pour ça qu'on a développé cette initiative. C'est un des moyens en fait pour améliorer leur intégration. On les fait tout simplement courir. Alors si demain vers 9h vous voyez des centaines de petites têtes de toutes les couleurs, la blonde entre autres, mais il y en aura d'autres, vous rêvez pas, ce sont donc les élèves de cette école qui vont courir dans les rues d'Outremont. J'en ai parlé avec l'une des responsables de ce projet, Isabelle Gagné, maman de 4 enfants qui travaille aussi au comité jumelage sur l'intégration des nouveaux arrivants, et elle m'a parlé de Moi mes souliers. Cette opération, en fait, cette année, effectivement, c'est une course à pied. C'est la deuxième édition cette année de la course à pied qui est née, en fait, l'an dernier. C'est suite à une initiative de ce comité qui s'appelle le comité jumelage à l'école, qui vise à favoriser l'intégration des élèves et des parents qui arrivent de d'autres pays et qui s'inscrivent à l'école dans ce qu'on appelle les classes d'accueil. Ce sont des familles qui viennent vraiment d'une vingtaine de pays à travers le monde. Ils parlent espagnol, bulgare, roumain et en classe d'accueil, ils apprennent le français. Ils commencent au tout début, c'est les balbutiements pour eux. Mais à travers les événements comme celui de la course Moi mes souliers, ce qui est le fun, c'est qu'ils côtoient encore plus les autres enfants qui sont des enfants natifs d'ici, qui parlent la langue très très bien. Ils sont contents, on est contents, puis on s'amuse ensemble. Alors on a l'impression qu'on est une plus grande famille encore. Oui, grande famille, courir donc pour l'intégration, quelle bonne idée. Isabelle Gagné m'a aussi expliqué qu'est-ce qui va se passer dans cet événement. Alors, c'est une course à pied qui vise à favoriser leur intégration, à faire bouger les gens, à les rallier dans un effort de dépassement et un effort sportif à travers la course à pied, qui est un sport qui est hyper accessible, très agréable et très facile d'accès pour tout le monde. Il y a 500 élèves à l'école Guy Drummond et les 500 sont invités à courir la course. C'est une inscription naturelle. Tous les enfants vont faire la course à partir des enfants de maternelle jusqu'à ceux de la sixième année. On a la chance d'avoir un professeur qui est extraordinaire, qui s'appelle Monica, qui les entraîne depuis des mois à courir un petit peu dans le plaisir et dans le dépassement de soi pour la fierté de tous. Ah ouais, donc il y a entraînement, Robert. Ah bah oui, il y a entraînement. Puis aussi curieux que ça puisse paraître, ces enfants-là, il y en a qui n'ont jamais couru des distances comme 1 ou 2 kilomètres et donc qui doivent se préparer à tout cela. Et en plus, la nouveauté cette année, c'est que les parents aussi seront de la partie, des parents qui ne courent pas forcément, en tout cas pas toujours, après leurs enfants certainement. Courir, en fait, ce qui est magique, c'est que les enfants courent à la journée longue. La seule chose, c'est qu'ils ne réalisent pas. Certains sont un peu surpris quand on leur dit « Là, aujourd'hui, tu vas courir 1 kilomètre. » Là, certains résistent un peu, mais après quelques tentatives, tous finissent par être à peu près exaltés par la démarche, puis le plaisir de même mesurer leur temps pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Alors nous, on est favorables à encourager ça, puis à promouvoir la santé à travers l'école. Et cette année, ce qu'il y a d'exceptionnel dans la deuxième édition, c'est qu'il y a près de 100 parents qui se sont inscrits également, contrairement à la première où ça ne touchait que les enfants. Maintenant, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a invité les parents à s'inscrire. Alors, certains parents qui n'avaient jamais couru de leur vie chaussent leurs espadrilles depuis déjà quelques semaines et c'est parti. Isabelle Gagné, donc maman de 4 enfants, responsable aussi en partie de ce comité de jumelage. Donc ça va faire du monde, 500 enfants, ouais. 100 parents. Oui. C'est fort, hein? Wow, autrement, on va être bouché comme le plateau Mont-Royal. Bouclé, mais pour une bonne cause, Michel, pour une bonne cause. Alors, bravo à l'initiative. On peut dire bravissimo donc aux parents, aux gens de l'école, aux enfants de l'école Guy Drummond pour cette initiative formidable. Et comme on dit, alors en espagnol, vivas, en slovaque, nas dobri, en estonien, tubli, et en roumain, tout simplement, bravo.